audiocité.net. De Guy de Maupassant, recueil de la main gauche, La Morte. Lu par Alain Bernard, illustration musicale, Éric Satie, Gnossienne numéro 5, licence MusOpen. Je l'avais aimé éperdument. Pourquoi aime-t-on? Est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être, de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée, dans le cœur qu'un désir, et dans la bouche qu'un nom? Un nom qui inonde incessamment, qui monte comme l'eau d'une source, des profondeurs de l'âme, qui monte aux lèvres et qu'on dit, qu'on redit, qu'on murmure sans cesse, partout, ainsi qu'une prière. Je ne conterai point notre histoire. L'amour n'en a qu'une, toujours la même. Je l'avais rencontré et aimé, voilà tout. Et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse, dans ses bras, dans sa caresse, dans son regard, dans ses robes, dans sa parole. Enveloppé, lié, emprisonné dans tout ce qui venait d'elle, d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit, si j'étais mort ou vivant, sur la vieille terre ou ailleurs. Et voilà qu'elle mourut. Comment ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Elle rentra mouillée un soir de pluie et le lendemain, elle toussait. Elle toussa pendant une semaine environ et prit le lit. Que s'est-il passé ? Je ne sais plus. Des médecins venaient, écrivaient, s'en allaient. On apportait des remèdes. Une femme les lui faisait boire. Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard brillant et triste. Je lui parlais. Elle me répondait. Que nous sommes-nous dit ? Je ne sais plus. J'ai tout oublié. Tout, tout. Elle mourut. Je me rappelle très bien son petit soupir si faible, le dernier. La garder, ah, je compris, je compris. Je n'ai plus rien su, rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot, votre maîtresse. Il me sembla qu'il l'insultait. Puisqu'elle était morte, on n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassai. Un autre vin qui fut très bon, très doux. Je pleurai quand il me parla d'elle. On me consulta sur mille choses pour l'enterrement, je ne sais plus. Je me rappelle cependant très bien le cercueil, le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans. Ah mon Dieu! Elle fut enterrée, enterrée, elle, dans ce trou. Quelques personnes étaient venues, des amis. Je me sauvai, je courus, je marchais longtemps à travers les rues. Puis je rentrai chez moi. Le lendemain, je partis pour un voyage. Hier, je suis rentré à Paris. Quand je revis ma chambre, notre lit, nos meubles, toute cette maison, où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort, je fus saisi par un retour de chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue. Ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses, de ces murs qu'il avait enfermés, abrités, et qui devaient garder dans leurs imperceptibles fissures mille atomes d'ailes, de sa chair et de son souffle, je pris mon chapeau afin de me sauver. Tout à coup, au moment d'atteindre la porte, je passai devant la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir des pieds à la tête chaque jour, en sortant pour voir si toute sa toilette allait bien, était correcte et jolie, des bottines à la coiffure. Et je m'arrêtai net en face de ce miroir qu'il avait si souvent reflété, si souvent qu'il avait dû garder aussi son image. J'étais là, debout, frémissant, les yeux fixés sur le verre plat, profond, vide, mais qu'il avait contenu tout entière, possédé autant que moi, autant que mon regard passionné. Il me sembla que j'aimais cette glace, je la touchais, elle était froide. Oh, le souvenir, miroir douloureux, miroir brûlant, miroir vivant, miroir horrible, qui fait souffrir toutes les tortures. Heureux les hommes dont le cœur, comme une glace, glisse et s'efface les reflets, oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré, dans son affection, dans son amour. Comme je souffre. Je sortis, et malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allais vers le cimetière. Je trouvais sa tombe toute simple, une croix de marbre avec ses quelques mots. Elle aima, fut aimée et mourut. Elle était là, là-dessous, pourrie. Quelle horreur! Je sanglotais le front sur le sol. J'y restais longtemps, longtemps. Puis je m'aperçus que le soir venait, alors un désir bizarre, fou, un désir d'amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait, comment faire? Je fus rusé. Je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus. J'allais. Comme elle est petite, cette ville à côté de l'autre, celle où l'on vit. Et pourtant, comme ils sont plus nombreux que les vivants, ces morts. Il nous faut de hautes maisons, des rues, tant de places pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps, boivent l'eau des sources, le vin des vignes et mangent le pain des plaines. Et pour toutes les générations des morts, pour toute l'échelle d'une humanité descendue jusqu'à nous, presque rien, un champ, presque rien. La terre les reprend, l'oubli les efface. Adieu. Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert, je m'y cachai tout entier entre ses branches grasses et sombres, et j'attendis, cramponné au tronc, comme un naufragé sur une épave. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lents, à pas sourds, sur cette terre pleine de morts. J'errai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvai pas. Les bras étendus, les yeux ouverts, heurtant des tombes avec mes mains, avec mes pieds, avec mes genoux, avec ma poitrine, avec ma tête elle-même, j'allais sans la trouver. Je touchais, je palpais comme un aveugle qui cherche sa route. Je palpais des pierres, des croix, des grilles de fer, des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées. Je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres. Quelle nuit, quelle nuit! Je n'en retrouvais pas. Pas de lune. Quelle nuit! J'avais peur, une peur affreuse dans ces étroits sentiers, entre deux lignes de tombes. Des tombes, des tombes, des tombes, toujours des tombes. À droite, à gauche, devant moi, autour de moi, partout des tombes. Je m'assis sur l'une d'elles, car je ne pouvais plus marcher, tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur, et j'entendais autre chose aussi. Quoi ? Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit ? Je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je resté là? Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur. J'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser tout droite. Et le mort apparut, un squelette nu qui, de son dos courbé, l'a rejeté. Je voyais très bien, quoique la nuit fût profonde. Sur la croix, je pus lire « Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il aimait les siens, fut honnête et bon, et mourut dans la paix du Seigneur. » Maintenant, le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau. Puis, il ramassait une pierre dans le chemin, une petite pierre aiguë, et se mit à les gratter avec soin, ces choses. Il les effaça tout à fait, lentement, regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées. Et du bout de l'os qui avait été son index, il écrivit en lettres lumineuses, comme ces lignes qu'on trace au mur avec le bout d'une allumette. « Ici repose Jacques Olivant, décédé à l'âge de 51 ans. Il hâta, par ses duretés, la mort de son père dont il désirait hériter. » Il tortura sa femme, tourmenta ses enfants, trompa ses voisins, vola quand il le put et mourut misérable. Quand il eut achevé d'écrire, le mort, immobile, contempla son œuvre, et je m'aperçus, en me retournant, que toutes les tombes étaient ouvertes, que tous les cadavres en étaient sortis, que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité. Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volé, trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes abominables, ses bons pères, ses épouses fidèles, ses fils dévoués, ses jeunes filles chastes, ses commerçants probes, ses hommes et ses femmes dits irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible, sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre. Je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe. Et sans peur maintenant, courant au milieu des cercueils entr'ouverts, au milieu des cadavres, au milieu des squelettes, j'allai vers elle, sûr que je la trouverais aussitôt. Je la reconnus de loin, sans voir le visage enveloppé du suaire. Et sur la croix de marbre, où tout à l'heure j'avais lu « Elle aima, fut aimée et mourut », j'aperçus, étant sortie un jour pour tromper son amant, elle eut froid sous la pluie et mourut. Il paraît qu'on me ramassa inanimée au jour levant, auprès d'une tombe.